Enfant béni des dieux d'Athènes, aux grands yeux sombres des icônes, un roi fait de vous sa reine. Quand au soleil la mer se donne, j'entends les trompettes d'Aïda. Madame Butterfly, je vous aime. Chantez-moi encore la Tosca. Menez-moi dans votre bohème. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Maria Norma. Comme un oiseau de nuit malade, l'opéra meurt d'amour chimère. Comme un bateau loin de sa rade, pour une diva et son trou vert, Manon Lescaut s'est fiancée un soir d'hiver au bel Alceste. Et Turandot s'en va danser Carmen salue une dernière fois, désespérément belle et fauve, et l'écho tragique de